et Omar Zedor, production 2009. Le jour du jugement dernier est arrivé. Le son de la guérilla est lancé. Je témoigne qu'il n'y a que Dieu et que la vie nous réserve que des sales trucs, mon vieux. Certaines personnes décident de jouer avec le feu et d'autres décident de s'apitoyer sur leur sort en se disant qu'ils ont tous tort. L'État veut pas nous respecter, alors nous on va les respecter à notre manière. J'ai 21 piges et j'ai compris que ça sert à rien d'avoir plusieurs amis. Car ça t'est sorti à t'envoyer en zombie. Une personne que j'ai aimée est partie là-haut. À toutes les personnes qui sont décédées, tu vois, j'avais du mal à parler. Tu vois, je suis toujours là sur ce thème-là. Car je me dois de réussir pour les personnes que j'aime et qui me soutiennent. Arrêtez de dire que vous faites la hiérarchie alors que dans la même soirée ça rentre le rhum. Et je vais vous dire, on va tous se retrouver. J'ai pas besoin de vous chercher car tous les chemins mettent à rond. Si tout le monde s'est traité, on n'en serait pas là. Tu vois, j'ai retrouvé un poteau 10 ans après. Alors d'aujourd'hui, on est soudé. Marre de se faire menotter par la vie. N'essaye pas de découvrir ma vie car tu vas te blesser. J'en ai marre que nos mères vivent dans la chaîne. La faucheuse est toujours au pied à t'enlever. On est rien dans cette vie. Mais putain, où est passé mon libre arbitre? La vie est courte et plein de rebondissements. Je maudis ce 13e arrondissement. J'ai croisé des mecs qui se tuent à la coque et l'alcool. Des mecs qui sortirent de tôle. J'ai jamais passé ma vie en son prix. Mais t'inquiète, sur cette vie-là, j'ai tout compris. Ma vie se résume d'échec en échec. Avant, j'avais peur de n'importe quoi. Je bégayais et c'était pas beau à voir. Me revoilà 10 ans après pour tout niquer et monter au sommet. La vie m'a appris à être une rapace. Je te dis, je rappe pas pour les grosses liasses. Je rappe pour me faire entendre. Mon expérience de la vie a appris qu'elle n'est pas tant. Et ouais, gros, c'est les Omar Zedor production. Voilà notre bannière. On peut plus chier de personne. Nous, on rappe à notre manière. Nous, on a le sang de la débrouille. Un clash qui t'emmène directement dans les entrailles. T'as pas de personnalité. Tu veux couper mon style à taille. Vas-y, vas-y, parle de moi. Ça y est, t'as craché ton venin. Dis-moi, le mic c'est mon arme. Attention, la faucheuse ne sera pas à t'enlever ton âme. Dès que tu parles, j'annonce un projet. Sois déterminé à assumer le négatif qui va avec la vie. Faire l'exception de pas pouvoir voir ta famille pendant le temps qu'il faut. Fais le faux s'il faut. Si t'as les couilles d'assumer, enfoiré, ne fais pas espérer pour rien. Ne parle pas pour rien. Tu dois te rendre compte de la haine que tu nous montres. T'arrêtes de flécher Cupid dans ta mitraille. En association avec la faucheuse, va venir te terminer. T'y adhères sur ce terre-terre. T'as plus rien à faire, frère. Alors écoute-moi sans le temps que je prépare ton excursion dans les couloirs de la Moria. Dans les couloirs de la Moria. Dans les couloirs de la Moria. Ce son sort tout droit des couloirs de la Moria.